Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, avec tout plein de bonnes choses à s'écouter pour les 2 heures à venir. Retour de l'émission en direct dimanche prochain. Et dans l'émission de ce soir, on rentre quelques petites nouveautés pas dégueu. Pêle-mêle, je peux vous annoncer Dot Street, Attic, les Tourangeaux de Haro Aura et quelques autres formations venues d'ici et de là. En ouverture de l'émission de ce soir, Ideus Divinity et Spaced. Ideus Divinity, tout d'abord, formation de Brutal Death qui nous vient d'Italie. Un peu tech sur les bords, ils sortent là leur 5e effort studio, 4 ans et demi après le Simulacrum. Voilà, le 4e album très plébiscité de Ideus Divinity. Bon, on a vu un petit EP entre temps. Un bon gros pavé d'une cinquantaine de minutes, les compos plutôt généreuses, hein, 7 à 8 minutes chacune. C'est un peu comme le dernier Vitriol, dans le sens où il faut le digérer. C'est hyper bien foutu, c'est intense, c'est très créatif, hein, l'aspect technique est vraiment hyper bien exploité. Et voilà, la scène death italienne est vraiment ultra quali, et là on tient un des fleurons de cette scène tech death. Spaced, ensuite récente formation de hardcore qui nous vient de Buffalo, dans l'état de New York. Un album 8 titres, là on est très loin de la durée de Ideus Divinity, parce que 8 titres, ça tient en tout juste 15 minutes. Un gros EP ou un mini-album, tout dépend du point de vue. Hardcore plutôt rafraîchissant, mené par une femme, c'est dynamique, c'est groovy, et ça se cale très bien entre un gel et un skull. Voilà, présentation de la première doublette pour l'émission de ce soir. Morceau choisi, Ideus Divinity Mysterium Tremendum, extrait de l'album Unextinct. Spaced, la doublette Rat Race, Running Man, extrait de l'album This Is All We Ever Get. Sur ce, bienvenue dans l'émission, c'est parti. Do it! Doublette suivante, Vorga et Brodkin. Vorga, tout d'abord, formation de black venue d'Allemagne. Actif depuis une dizaine d'années, c'est le second album qui vient de sortir. Le précédent était sorti assez récemment, hein, parce que début 2022. À l'époque, il avait été focusé par l'ami Thibaut. On est sur un black d'attirance assez cosmique, un peu mélodique, et c'est hyper bien maîtrisé. Ça reste très riche, très varié. Donc voilà, on est vraiment dans la lignée du premier effort studio. Un visuel absolument magnifique, signé du pinceau de Adam Burke. En doublette, Brodkin, le groupe de Brutal Death qui nous vient du Tennessee. Le quatrième effort studio sort enfin, 20 ans après le tout dernier, Methods of Execution, qui était sorti donc en 2004. Deux singles avaient vu le jour en 2021, que l'on retrouve sur ce nouvel effort studio. 10 morceaux, 32 minutes, une énorme tartine de Saint-Doux dans les oreilles. Voilà, Brodkin qui a été focusé il y a deux semaines, parce que la sortie est ultra qualitative. Vorga, Tragic Humanity, extrait d'album Beyond the Palace Star. Brodkin, Tenement, extrait d'album Harbinger of Woe. C'est parti. Et pour la doublette suivante, première nouveauté dans l'émission de ce soir, Attic, le groupe de Heavy Occult qui nous vient d'Allemagne, actif depuis une quinzaine d'années. C'est le troisième effort studio qui vient de sortir. 7 ans se sont écoulés depuis le précédent album. Déjà, et puis bon, Attic, ça fait partie de ces formations emblématiques qu'on apprécie énormément dans l'émission. On est toujours dans une bonne vibe, King Diamond, merci Full Fate, voilà, et puis bah, vocalement c'est impressionnant, bon musicalement tout est en place, mais surtout vocalement que le spectre est vraiment là, et malgré tout ça, j'ai envie de dire, ou cependant, enfin voilà, il y a quand même une bonne identité musicale propre vraiment à la formation allemande qui s'en dégage. Un album d'une cinquantaine de minutes, c'est très riche, des sonorités, des rythmiques qui vont alterner entre séquences extrêmes et d'autres beaucoup plus heavy trad, à la sauce même heavy epic doom. Voilà, Attic, encore une sacrée réussite que ce nouvel effort studio. Nécrophobique, enfin, les vétérans du Black Death venus de Suède, 35 années de carrière sont célébrées cette année. L'album vient de sortir, donc c'est le 10e. Pas de surprise hein, au niveau de la recette, c'est bien identifiable et toujours aussi bien exécuté. C'est intense, catchy bien comme il faut. Les titres alternent, morceau 4, 8 minutes, avec voilà toujours cette alternance mid-tempo atmosphérique avec des passages beaucoup plus frontaux. Au niveau des morceaux choisis, Attic, on va s'écouter tout de suite, donc extrait de l'album Return of the Witchfinder, le titre tout simplement de l'album. Nécrophobique ensuite, le morceau Stormcrow, extrait d'album In the Twilight Grey. Et tout ça, c'est déjà dispo. In the Dans la doublette suivante, on aura encore une nouveauté d'Ode Street, mais juste avant ça, on va s'écouter un morceau de Critical Defiance. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ces deux formations ? Critical Defiance, c'est du trash, ça nous vient du Chili, c'est actif depuis une petite quinzaine d'années. Le troisième effort studio vient de sortir, un trash très old school, avec des passages limite Blackening Trash, avec une petite touche tech, voilà, bien élaborée, bien recherchée, le trash old school qu'il pratique. On a un espèce de crossover du coup entre les premiers créateurs et du coroner. Des compos qui font 2-3 minutes chacune, et certaines qui avoisinent même les 10 minutes. Un trash très riche, qui n'est pas rébarbatif, voilà, et on alterne avec des recettes trash plutôt génériques, et ce côté vachement enrichi. D'autres rites ensuite, on est sur du... un groupe suédois, qui nous fait du Blackening Crust, mais à la sauce Black Death suédois. Je m'explique. Le groupe s'est formé en 2017, c'est déjà le quatrième effort studio qu'ils produisent, c'est le premier qu'on vous diffuse, hein. On a raté les trois premiers, on en découvre chaque jour, hein, des groupes vraiment cool. Et sur chacun de leurs albums, on a quatre compos assez longues, qui font entre 8 et 10 minutes, une interlude, une compo instru un peu plus brève, voilà. Et musicalement, on est toujours vraiment dans cette recette Black Death mélodique scandinave bien identifiée, hein, type années 90. Ces lignes de guitare sont absolument incroyables. Voilà, une grosse dose épique. Et derrière tout ça, on a une espèce de crusty punk hardcore, un peu à la manière d'un Anst. Voilà, le crossover, il est absolument génial. On se fait emmener par les mélodies hyper épiques. Et à côté de ça, ça tabasse comme pas possible. Voilà, un mélange hyper, hyper intéressant, à la fois viscéral, mélancolique, contemplatif et up-tempo. Voilà, ça a été une excellente découverte la première fois qu'on a posé nos oreilles sur ce nouvel effort studio de Dot Street. Au niveau des morceaux, Critical Defiance, 44 Minds, extrait de l'album The Search Won't Fall. Dot Street, Ilralia, extrait de l'album Nocturnal Will et tout ça. C'est déjà dispo et Dot Street est une nouveauté pour ce soir. Vous êtes toujours à l'écoute de Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on va attaquer tout de suite l'aspect française, voilà une sélection 100% hexagonale. Et on va ouvrir cette spéciale par un groupe venu de Tours. Il s'agit de anciennement AO, rebaptisé depuis quelques années Aro Aura. Ils sortent là leur second album studio, un peu plus de 4 ans après le très très remarqué Weirua. Qu'est-ce qu'on peut dire de la musique de Aro Aura ? On est sur ce qu'on va appeler un métal moderne, puisque ça va chercher les inspirations du côté d'un Lamb of God, Gojira, Meshuggah, même si c'est des groupes qui accusent quand même quelques années au compteur. Voilà, on est sur une inspiration entre le power metal américain et quelque chose de beaucoup plus léché, beaucoup plus travaillé, typiquement européen. L'album est un peu plus bref que le précédent, une heure avec 15 titres, là on est sur 40 minutes avec 8 compos, c'est beaucoup plus frontal, c'est riche, c'est technique, et voilà, on a un nouveau chanteur qui fait un taf absolument génial. L'album, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter en entier, mais le premier extrait clippé est ultra convaincant. Et c'est pas souvent qu'on diffuse des groupes dans cette veine-là musicale. Mais bon, difficile de passer à côté d'un groupe de copains, surtout quand c'est aussi bien fait. Dionysiaque ensuite, groom de Doom qui nous vient de Strasbourg. Petit crossover au niveau du line-up de la scène du Grand Est, hein, avec des membres de Sacrificer, Malevolentia, Proudhon, etc. Musicalement, on est sur du Doom assez primitif, assez old school. Voilà, l'album a été enregistré en condition live en 5 jours seulement. C'est le premier véritable album, version longue durée. Et Dionysiaque sera présent sur la scène du Temps Machine d'ici quelques jours, en compagnie de Bellwitch, une petite soirée bien sympa organisée par Catharsis. Toutes les infos sont disponibles, bien sûr, sur les internets. Au niveau des morceaux que l'on va s'écouter tout de suite... On va avoir donc Aurora, le morceau A People Defiled, extrait d'album The Twelfth Hour. People Defiled, donc premier titre clippé que le groupe a diffusé. Dionysiaque ensuite, Winyard and Eevee, extrait d'album Diogonos. C'est parti.